Combien se traduit par quanto? Q-U-A-N-T-O. Quanto. Qui rappelle le mot quantité en français. Dans une phrase comme je veux savoir combien c'est, combien c'est devrait se dire quanto è. Mais en fait, là aussi, il y a une contraction. Le O à la fin de quanto tombe et il est remplacé par une apostrophe, ce qui donne quante. Quante. Alors, comment dit-on je veux savoir combien c'est? Voglio sapere quant'è. Voglio sapere quant'è. Voglio sapere quant'è. Acheter se dit comprare. C-O-M-P-R-A-R-E. Comprare. Donc, comment direz-vous je veux acheter? Voglio comprare. Voglio comprare. La chose se dit en italien la cosa. La cosa. C-O-S-A. La cosa. Et si vous voulez dire la même chose, c'est la stessa cosa. Stessa, S-T-E-2-S-A. La stessa cosa. Donc, je veux acheter la même chose, se dit voglio comprare la stessa cosa. Bien, voglio comprare la stessa cosa. Et je ne veux pas acheter la même chose. Non voglio comprare la stessa cosa. Bien, non voglio comprare la stessa cosa. Dites maintenant, mais je ne veux pas la même chose. Ma non voglio la stessa cosa. Ma non voglio la stessa cosa. Vous voulez, quand on vous voit quelqu'un, se dit en italien vuole. V-U-O-L-E. Vuole. Je vous rappelle que le U italien se prononce toujours U et que le son U n'existe pas. Alors, comment diriez-vous voulez-vous la même chose? C'est-à-dire mot à mot, vous voulez la même chose? Voulez. Voulez. Voulez la stessa cosa? Bon, voulez la stessa cosa? Si vous voulez dire que voulez-vous? Vous pouvez dire che cosa vuole? Dans les questions, que correspond à che cosa en italien. Che, C-H-E, cosa. Che cosa, quelle chose. Donc, que voulez-vous acheter? Se dirait che cosa vuole? Che cosa vuole comprare? Oui, voilà. Che cosa vuole comprare? Ici se dit qui. Q-U-I. Qui. Alors, dites-moi. Que voulez-vous acheter ici? Che cosa vuole? Encore une fois. Che cosa? Che cosa? Cosa vo? Non. Vuole comprare chi? Qui. Qui. Bien. Che cosa vuole comprare qui?